3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Trois, deux, un. Ouah, j'ai plus de doigts. Bonne année. Eh oui, j'ai sorti le jersey numéro 25. On est en 2025. Eh oui, mais. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus Choubix. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme tout poilu? Eh ben non, pour cette rentrée, pour cette reprise, pour ce mois de janvier 2025, pour cette nouvelle épisode de Avenix Week sur KNF TV, je suis tout seul. Comme c'est dommage, je vais essayer tout de même de vous raconter tout ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue. Vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors pourquoi Seb n'est pas avec nous aujourd'hui? Eh ben voilà, on a beau se souhaiter la bonne santé et tous les meilleurs vœux pour ce début d'année, il est rattrapé par un petit virus hivernal, on va dire ça. Et puis une obligation parentale, ah là là. Donc il ne peut pas se joindre avec nous aujourd'hui pour passer un bon petit moment à parler d'Enix. Pourtant, rassurez-vous, il va reprendre du poil de la bête, et ça, on voit qu'avec son petit avatar, il est plutôt touffu le garçon, mais non, on lui souhaite un bon rétablissement et de revenir très vite pour nous parler d'Enix ensemble sur KNF TV. C'est pas grave, on va assurer le service et on va vous parler de ce qui s'est passé pour l'Enix sur cette quinzaine des fêtes de fin d'année. Bah oui, parce qu'on avait lancé un petit épisode avant Noël, on a pris un petit peu de vacances pour se reposer, pour profiter des familles, on espère que vous avez pu en profiter. Et il s'est passé pas mal de choses chez les Orange and Blue, donc on perd pas plus de temps, on regarde ce qui s'est passé sur les deux dernières semaines dans la planète Orange and Blue. Allez, on balance le jingle, c'est parti. Et bah voilà, ça y est, comme à Times Square, on est passé en 2025, une nouvelle année. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, on vous souhaite bien sûr tous les meilleurs vœux possibles à vous et à vos proches. Et bien évidemment, la santé, c'est important la santé. Ça sera d'autant plus important pour les Knicks qui, on l'espère, réaliseront une belle fin de saison en 2025. Ça avait été le cas en 2024. Pourquoi ça ne serait pas le cas en 2025? En tout cas, j'espère que vous avez pu en profiter de vos proches et de festoyer sur cette période des fêtes. Ça a été plutôt bon, dans tous les sens du terme, de mon côté. Voilà, des fêtes qui sont passées, et un mois de décembre qui s'est plutôt très bien terminé pour l'Enix. Le mois de janvier, on va en parler aussi, parce que ça y est, on a basculé sur la nouvelle année, on a basculé en 2025, c'est un bilan peut-être un petit peu plus mitigé. Mais bon, il n'y a eu que deux matchs de jouer en janvier. Par contre, le mois de décembre 2024 était très très bon pour l'Enix. Un bon bilan, oui. Des joueurs qui se sont distingués, qui se sont illustrés à différentes façons. Des triples-doubles, des records en carrière, oui peut-être. Des joueurs du mois, Karl Anthony Towns est le joueur du mois de décembre. Des audiences TV qui ont plutôt retrouvé un petit peu un peu de bobo cœur pour Adam Silver, entre autres, avec le match de Noël qui a été plutôt un succès. Bref, un beau mois de décembre, les Knicks avaient un calendrier qui était favorable, on les attendait un petit peu au tournant en se disant qu'il va falloir emmagasiner quelques victoires sur ce mois de décembre, ça a été le cas. Donc, est-ce que ça sera suffisant pour après faire un bon placement dans la conférence Est, on l'espère, un placement durable. La saison dernière, le mois de janvier avait été bon. Est-ce qu'il le sera encore cette saison? À voir. En tout cas, une des affiches qui était très attendue et qui est toujours un événement en NBA, c'est les Christmas Games. Et les Knicks avaient la chance de pouvoir ouvrir la soirée des marathons. Une soirée marathon, en plein, il y a quoi, 5-6 matchs entre des équipes de la conférence Est, des équipes de la conférence Ouest, et au Madison Square Garden, on avait une belle affiche. L'affiche qui opposait les Spurs, c'est pas l'équipe qui joue le plus hein, sur le moment de Noël, mais cette fois-ci, avec la hype Wembanyama, forcément, ils en ont profité, la NBA, pour programmer les Spurs qu'on retrouvera prochainement, bien sûr, à l'Accor Hotel Arena, pour ceux qui auront de la chance d'avoir pu mettre la main sur des billets. Mais avant de parler du mois de janvier et de match à Bercy, c'est au Madison Square Garden que Victor Wembanyama se déplaçait avec ses troupes. C'était pas le match le plus évident, ça s'est bien fini pour les Knicks. On va parler du détail de ces matchs, mais en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver les Knicks le soir de Noël. ouverture de la soirée. Heureusement que Mickaël était là. Mais voilà, une belle réussite en tout cas que cette soirée. Et une belle réussite aussi pour l'association. On a organisé pour cette grande occasion et cette première fois une Christmas KNF Viewing Party. Quelques adhérents ont pu se joindre à nous pour festoyer ensemble. Pour peut-être tirer un petit peu des dindons marrons et surtout profiter d'un match de Noël qui était à suspense. Donc on s'était associé avec l'association, une collaboration, un featuring, ouais c'est ça, plus comme ça qu'on dit, avec la San Antonio Spurs. Spurs Nation France, qu'est-ce que je raconte? Oui, l'équipe de San Antonio, la Spurs Nation France qui était avec nous en partie sur cet événement. Donc voilà, un grand plaisir en tout cas d'avoir pu partager ces bons moments ensemble. Et des viewing parties, il y en a eu en décembre et il y en aura une aussi cette semaine, pas plus tard que ce dimanche. Oui, pour fêter la nouvelle année, 12 janvier, on vous donne rendez-vous cette fois-ci au Hideout. On retrouve notre adresse habituelle, le Hideout Paris Gare du Nord. Ça sera dimanche, ça sera l'affiche face aux Milwaukee Bucks, une belle affiche. Les derniers vainqueurs de la Cup, et oui, il faut le rappeler, c'est eux les tenants du titre. Hein. Donc voilà, c'est un titre hein, maintenant, ça compte. Et donc voilà, ça sera l'affiche au Madison Square Garden, ça sera dimanche, ça sera à partir de 20h30 que nous vous accueillerons pour un début de soirée, un lancement du match à 21h. Paris Gare du Nord pour fêter la nouvelle année, pour fêter une victoire d'Enix, on l'espère en tout cas. Giannis, Dame Lillard, il y a aussi un petit match pour, pourquoi pas, des histoires de All-Star, on va y venir. Mais en tout cas, voilà, vous avez le rendez-vous, on en avait déjà parlé sur l'émission de Noël. En tout cas, on vous le rappelle, c'est ce dimanche au Hideout. Donc venez nombreuses et nombreux pour fêter la nouvelle année, pour toujours passer un bon moment à avoir un match Enix et puis espérons une victoire. Une victoire qui comptera dans la conférence Est et qui comptera, on l'espère aussi, dans la tête des gens pour voter. Parce que oui, c'est important, il faut voter en 2025. Une fois de plus, on vous appelle à voter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous ne le faites pas tous les jours, parce que oui, c'est possible de le faire tous les jours. Il y a même des jours où ça compte triple. Alors bon, faut surtout pas louper les occasions. Votez pour quoi? Votez pour qui? Votez pour les Knicks, bah oui. New York Knicks, on va pas promouvoir d'autres équipes ici, surtout dans la conférence Est, limite dans la conférence Ouest, vous pouvez choisir peut-être d'autres joueurs, d'autres équipes, d'anciens Knicks, pourquoi pas, mais voilà, c'est le moment plus que jamais de voter pour les couleurs que vous adorez, que vous préférez, les couleurs orange and blue des New York Knicks, et oui, il y a déjà les premiers décomptes qui sont tombés. Ça fait un petit moment, enfin c'est juste au moment de Noël en tout cas que la campagne des votes est lancée et les premiers résultats sont tombés. Des résultats bons, pas bons, moyennement bons. Bon en tout cas à l'heure où on parle, on a deux joueurs qui sont classés en tout cas dans les décomptes des votes. C'est bien entendu Karl Anthony Towns avec déjà plus d'un million de voix. Et oui, il fait une belle progression par rapport à la saison dernière, au premier décompte en tout cas, où il n'était qu'à quelques centaines de milliers, j'ai plus le chiffre mais vous l'avez vu passer en tout cas. Centaines de milliers de votes quand il évoluait encore dans le Minnesota, aux Wolves. Et là, peut-être que c'est l'effet New York, peut-être que c'est les spotlines de la ville lumière, le vieux monde, le Big Apple en tout cas, ouais, c'est ça, 139 000. Et là, cette saison. Au premier décompte, déjà plus d'un million de voix pour Karl Anthony Towns, qui fait un très bon début de saison avec New York. Pour Jalen Brunson, c'est un petit peu plus discret, il se classe 4-5e, je crois, des votes pour les All-Stars, du moins pour les guards, puisqu'on est sur un vote front court pour les Giannis, voilà, et Karl Anthony Towns, Tatum, je crois aussi. Et pour les joueurs de back court, eh bien, pour l'instant, ça se dispute plutôt avec la Melo Ball, un peu la surprise générale qui est dans les pas loin du 1 million de votes, à 900 000 et quelques. Dame Lillard, on a Donovan Mitchell, il me semble, et notre ami Jalen Brunson, qui est plutôt quatrième, donc voilà, si on a envie de voir Jalen Brunson au All-Star, on pourra bien sûr compter sur les médias et sur les coachs pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça, mais si on a envie de le voir starter, pour sûr, le vote des fans va compter de façon importante, donc mobilisez-vous, votez. On le rappelle, c'est avant tout le All-Star Game, un concours de popularité, mettre en avant les joueurs préférés, bah les joueurs de votre franchise, si vous suivez, si vous êtes un sympathisant des Knicks, si vous êtes un supporter, un diehard Knicks fan, bah qui d'autre pouvez-vous voter que les Knicks? Vous pouvez même mettre les 5 Knicks, vous pouvez même voter qu'avec 5 Knicks, donc je vous encourage à rejoindre le mouvement et à donner de la force à nos joueurs, ils en ont besoin, en tout cas pour vont être récompensés parce que c'est une récompense, une distinction. C'est pas nécessairement les meilleurs joueurs, c'est plutôt les joueurs les plus populaires. La Melo Ball, peut-être qu'il fait une belle saison. Charlotte Hornet, est-ce qu'ils font une belle saison? Ça, je vous laisserai voir les classements. Mais en tout cas, les New York Knicks font un bon début de saison. Jalen Brunson a de belles performances. Pourquoi pas en faire un meneur titulaire, un joueur du backcourt titulaire au All-Star Game. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Un joueur qui a fait parler de lui, qui avait pas mal de fautes de All-Star par le passé, et pas plus tard que la saison dernière, c'est Derrick Rose. Et oui, Derrick Rose, pourquoi est-ce que j'ai ressorti le jersey numéro 25, ce bon vieux jersey vintage? Eh bien, c'était le premier passage de Derrick Rose. C'est aussi pour la nouvelle année, 2025 forcément, et le Mikal Bridges, il n'est pas encore dans mon dressing. Peut-être qu'un jour, il viendra, on verra. Mais voilà, Derrick Rose, il a refait parler de lui, parce que c'était aussi la Derrick Rose Night, le 1-4-25. Tous les numéros portés par Derrick Rose. Derrick Rose est réapparu par les médias et par son sponsor, bien sûr. C'est bien orchestré tout ça. Il y avait la Derrick Rose Night pour la réception des New York Knicks à Chicago. Et également, voilà, une annonce qui a été faite de la part de la franchise de l'Illinois. On a toujours un petit peu du mal à trouver un peu de sympathie pour cette franchise qui nous a martyrisés sur les années, sur les saisons de Michael Jordan. Ça, on s'en souvient pour les anciens. Pour Derrick Rose, c'est une histoire un petit peu différente puisque c'est un peu un cœur partagé entre Chicago et New York pour laquelle il a joué les Knicks deux passages, deux saisons et avec forcément son coach Tom Thibodeau qui est non plus pas quelqu'un d'inconnu du côté de Chicago. Mais voilà, c'était la Derrick Rose Night et on a appris que la saison prochaine, pas cette saison, hein, les Bulls ils font ça en deux temps, ils font d'abord une première soirée où ils honorent, où ils font plein de discours et tout. Et l'année prochaine, tu reviens et on dresse ton maillot en haut du plafond du United Center. C'est ça, c'est le United Center à Chicago. Une belle petite soirée, plutôt émouvante, plutôt sympathique. Et puis, c'était aussi l'occasion de recroiser Karl Anthony Towns avec Derrick Rose. Tous ces deux joueurs ont fait, bien sûr, un bout de chemin ensemble dans le Minnesota. Et puis voilà, c'était une belle soirée sur la dimension commémoration et honneur du joueur. Pour ce qui est du match, eh ben, c'était une autre histoire. Et ça, on va en parler tout de suite. Alors, je vous donne aussi rendez-vous sur la seconde partie de l'émission pour vous annoncer le grand vainqueur du concours de Noël, Derrick Rose. Derrick Rose, j'en parle. Derrick Rose, il fait partie aussi du gain du petit cadeau qu'on vous donne en fin d'émission par rapport au jeu concours de Noël. Il fallait pronostiquer le résultat le plus proche de la rencontre du Christmas Day Game. On a un vainqueur. Son nom va être dévoilé dans quelques instants. D'ici là, on fait la petite rétrospective de ce qui s'est passé pendant ces deux semaines où nous étions en vacances, où nous étions en famille, où nous étions en train de festoyer, de nous reposer ou certains de se guérir. En tout cas, la quinzaine, elle a commencé. Il y avait 8 matchs par tout simplement la réception des Toronto Raptors. Et oui, R.J. Barrett était de retour au Madison Square Garden. Ça avait été assez accroché sur le premier match dans l'Ontario, c'est l'Ontario au Canada, en tout cas au Canada, à Toronto, ça a été moins accroché quand même sur ce second match. Il ne faut pas se cacher derrière tout ça. On peut parler d'un blowout? Oui, on peut parler d'un blowout, puisqu'on a un match qui se termine avec un score final de 139 à 125. Ouais, une belle petite déculottée. Ce coup-ci, Scotty Barnes était de retour. Oui, je ne sais plus. Oui, s'il était de retour alors qu'il s'était en partie blessé sur la rencontre précédente. Mais les Knicks, en tout cas, ont fait qu'une bouchée des dinos. Et ça a été une belle performance collective pour se rassurer. Et tellement une belle performance collective que Tom Thibodeau a pu faire un petit peu tourner son banc. Vous le savez, c'est souvent les reproches qu'on lui fait à Tom Thibodeau de ne pas assez ouvrir son banc. Alors, c'est une ouverture assez tardive. Hein, il y a que quelques minutes en fin de rencontre. Mais on a quand même 25 minutes de Miles McBride. On a 15 minutes de Campaign et 22 minutes d'Achua. Et puis du garbage time avec un peu les joueurs du banc. Mais une belle production de Campaign. Qui nous sort 19 points sur cette rencontre, 7 sur 10 et 4 sur 7 à 3 points. Voilà, avec Campaign, c'est un peu tout ou rien. Cette fois-ci, c'était tout. Et ça a pu profiter et notamment faire reposer un Jalen Brunson qui a fait que 32 minutes. Un petit match pour JB sur cette rencontre. Hein, 12 points, une adresse qui n'était pas présente, hein, 0 sur 5 à 3 points. Bon, en tout cas, Campaign a pu profiter sur cette rencontre-là. Que dire d'autre? OG Anunoby, qui a retrouvé ses anciennes couleurs, qui a été bon. On l'a dit, Precious, qui a eu 22 minutes de temps de jeu, mais un 5 points, 7 rebonds en sortie de banc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Carl Karl Anthony Towns également, 31 points. Une belle paire entre OG et Kat. Et ça a suffi pour venir à bout des Toronto Raptors. Une équipe qui est un petit peu en difficulté cette saison. Est-ce que ça joue Cooper Flag? On n'en est pas tout à fait sûr. Est-ce que ça va annoncer des trades un petit peu plus tard dans la saison? À voir. Mais en tout cas, les Knicks n'ont pas eu trop de difficultés sur cette rencontre-là. Et c'était très bien. Ça permettait de prolonger un petit peu la série de victoires qui était déjà entamée depuis quelques temps. Et surtout, ça permettait de se projeter un petit peu plus de façon sereine sur un match de Noël. Un match de Noël qui est toujours un peu particulier parce que c'est des matchs qui se jouent tôt. C'est des matchs qui se jouent aussi dans un contexte où les joueurs ont eu une soirée de repos la veille, ont pu être avec les familles, pour ceux qui sont à domicile, c'était pas le cas des Spurs, et un match qui a été plus accroché, hein, clairement, plus disputé, et sur lequel on a eu un petit peu, encore une fois, un sauveur, et ce sauveur, par contre, il s'appelle Mikal Bridges. Lui, il a su élever son niveau de jeu dans le troisième carton, en l'occurrence, où il était devenu complètement indéfendable, ce qui a permis, entre autres, aux Knicks de s'imposer au final sur un tout petit score. Oui, ça a été relativement serré, relativement compliqué, ça s'est joué dans les derniers instants. Les Spurs ont bien géré, on va dire, ce match de Noël. On ne savait pas trop à quoi s'attendre face aux Spurs. C'était le premier match de Noël pour Victor Wembanyama. Au final, il a fait ses stats. Il a notamment, pour sa première soirée de Noël, pour son premier match de Noël en carrière, su briller dans son secteur, dans son registre à lui. Mais Mikal Bridges a su lui tenir la dragée haute, comme on dit, avec 41 points. Record en carrière, si je ne dis pas de bêtises pour Mikal. Non, pas record en carrière, il a dû faire un gros carton. Vous mettrez ça en commentaire, je ne m'en rappelle plus. Et j'ai pas Seb pour venir me sortir des anti-sèches à cette heure-ci. Mais en tout cas, non, il devait être sur une cinquantaine de points, je crois, Mikal avec les Nets. En tout cas, 41 points, c'est une des meilleures performances sur un soir de Noël. En plus, pour un des premiers matchs de Noël en tant que Knicks, derrière Richie Guérin et Bernard King, bien sûr, avec ses 61 points. Mais c'était dans une défaite, Bernard. Là, Mikal, il nous sauve ce match de Noël. Heureusement, ça évite un petit peu de gâcher la fête. Et ça permet de renvoyer notre cher Wemby à ses parties d'échecs à Washington Square Park, ça c'est dit. Mais voilà, la photo avait beaucoup circulé post-match, c'était dans le match entre les Knicks et les Nets. Avant ce match, bien sûr, il était focus, le Wemby, et il a donné du fil à retordre forcément aux Knicks. 41 points pour Mikal Bridges dans un gros temps de jeu, 43 minutes, mais il fallait au moins ça pour venir à bout de ces Spurs. 21 points, 9 rebonds pour Karl Anthony Towns. C'était plus compliqué forcément avec une adresse à 1-5 à 3 points et plus compliqué avec un joueur avec une belle envergure qui est Victor Wembanyama. 20 points pour Jalen Brunson qui a eu du bon et du moins bon dans ce match. Encore une fois, NRS à 0 sur 5 à 3 points. C'était un petit peu compliqué. Par contre, on a un bon Mikal Bridges. Oui, on a un OG Anunoby qui passe à côté. Hein. 3 sur 10, 8 points. 2 sur 6 à 3 points. Bon, plus compliqué pour ce match sur OG. Et quand je regarde ma feuille de stats, qu'est-ce que j'ai? J'ai également un 12 points, 12 rebonds, 6 passes pour Josh Hart. Josh Hart qui est au four et au moulin, qui fait toujours un petit peu... un peu tout ce qu'il faut pour colmater. Là, le banc a été clairement moins utilisé. On a tout de même 30 minutes de McBride, mais 8 points. Une adresse à 2 sur 10 au shoot et 2 sur 6 à 3 points. On a un Precious Achiuwa qui joue 20 minutes pour 5 points, 10 rebonds. Bon, c'est pas mal. Par contre, Campaign, je vous en parlais tout à l'heure. Campaign, autant il nous souffle le chaud et le froid. C'était le chaud pour le match face aux Raptors. C'était le froid face aux Spurs. 5 minutes seulement, 2 points. Bon, 1 sur 3, 0 sur 2, on oublie. Et voilà, un banc qui est limité à 3 joueurs. Et dans un match accroché, malheureusement, quand le match ne permet pas d'avoir un avantage suffisant, quand le match est accroché, Tom Thibodeau s'en remet à ses joueurs titulaires et c'est eux qui passent le plus de temps sur le parquet. Bon, victoire à Noël, c'était tout ce qu'on va retenir et les 41 points de Mikal Bridges. Ensuite, déplacement en Floride, chaud, froid, ça y est, on passe en Floride, c'est tout de suite un climat un petit peu plus doux. Là, nouvelle victoire, ça vous l'avez vu de toute façon, la série de victoires, elle a poussé jusqu'à 9. Et elle ne s'est pas arrêtée en Floride. Les Floridiens, le Magic, hein, qui était encore une fois décimé par les blessures. Mo Wagner avait rejoint l'infirmerie. Lui qui avait un petit peu, chatouillé les côtes de notre ami Karl Anthony Towns, n'était pas là. Jalen Suggs, cette fois-ci, a eu de l'adresse. Jalen Suggs, il joue des deux côtés du terrain. Gros défenseur, All-NBA Defensive Team. Alors, first ou second, je ne sais plus. Ça, pareil, vous irez vérifier sur Basketball Référence après cette émission. Mais en tout cas, Jalen Suggs, encore une fois, très présent dans cette rencontre et présent offensivement aussi. Hein, il a plutôt brillé, il a été adroit, il a réussi à apporter du scoring. Et le Orlando Magic, qui a pour une fois été devant dans cette rencontre. Un match un peu plus accroché, oui. Quel est le score de cette rencontre? Oui et non, non, non. 108-85. Au final, les Knicks ont réussi à faire la différence un peu plus tard dans la rencontre, même si le Magic avait plutôt bien démarré, mais la seconde mi-temps a été à l'avantage des Knicks. Qu'est-ce qu'on a comme joueur qui tire son épingle du jeu? Eh bien, cette fois-ci, on a un GB à 26 points. Même si Suggs était en défense dessus, ça n'a pas suffi pour le freiner. Hein. On a un rendement qui est plutôt intéressant, 11 sur 21. Pas trop d'utilisation de shoot à 3 points, 0 sur 2. Bon, voilà, il n'était pas dans un grand soir d'adresse extérieure. 37 minutes passées sur le parquet. On a un Karl-Anthony Towns plus discret, en tout cas plutôt gêné par les fautes. 16 points et 8 rebonds. Par contre, on a un très bon Josh Hart, 23 points. Oui, oui, oui, Josh Hart qui brille enfin après les 41 points de Mikal Bridges. On se demandait qui du 5 majeur n'avait pas scoré plus de 40 points. Bon, on vous rassure, Josh Hart, il ne va pas scorer 40 points non plus. Mais il aura eu un bon passage dans ce match et il termine à 23 points, 13 rebonds. Plutôt intéressant, Josh Hart, encore une fois. Mikal Bridges, discret, mais 17 points tout de même. Mais voilà, une adresse extérieure un petit peu compliquée et en même temps, pas beaucoup de shoot à l'extérieur de prix. Hein. On est à 0 sur 1 pour Mikal, 0 sur 1 pour OG, 2 sur 4 pour Karl-Anthony Towns. Bon, il n'a pas forcé à 3 points. 0 sur 2 pour JB et 1 sur 3 pour Josh Hart. Donc voilà, un jeu qui ne s'est pas forcément décidé sur la ligne extérieure, sur derrière l'arc. Par contre, on a un match où on a un Landry Shamet. Et oui, Landry Shamet, j'en parlais un petit peu. Il était de retour de blessure. On l'avait vu avec la G League. Reprendre un petit peu, mais doucement, du rythme et ses marques. Et bien là, on a 10 minutes de Landry Shamet. Ça permet de se faire souffler un petit peu Mikal sur le poste 2. Ou OG, on va dire, lorsque ça alterne sur le poste 3. Et 7 points pour notre ami Shamet. Bon, voilà. Ça sera de toute façon une dizaine de minutes qu'on va attendre de Landry Shamet sur cette saison, maintenant qu'il est remis. Et surtout, venir se faire souffler un petit peu nos amis ailiers que sont Mikal Bridges. Mikal Bridges qui joue quand même 44 minutes sur cette rencontre. C'est toujours le plus gros temps de jeu d'Enix. Et je pense qu'en 2025, ça ne va pas vraiment se calmer. Voilà, en tout cas, une victoire de plus. Une troisième victoire acquise face aux Floridiens. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça permet de mettre un petit peu plus Orlando Magic dans le rétroviseur. Eux qui occupaient à un moment donné la troisième place de la conférence Est, cette fois-ci, n'occupent plus que la quatrième et sont derrière les Knicks. Et c'est pas plus mal, ça permet, on va dire, de retrouver une certaine marge de manœuvre en cas de défaite. Mais des défaites, il y en aura un petit peu plus tard dans cette rétrospective. Victoire face aux Raptors, victoire face aux Spurs, victoires, oui, parce qu'on a plusieurs victoires face aux Magic. Qu'est-ce que ça a donné face à la double confrontation? Eh, j'en bafouille, du mal, qu'est-ce que ça a donné tout ça face aux Washington Wizards? Voilà, là on est sur une équipe qui est dans le bas-fond de la conférence Est, on pouvait s'attendre à des victoires faciles, on devait pouvoir accumuler encore des victoires pour venir augmenter ce compteur de victoires du mois de décembre, eh bien oui, ça s'est traduit par des victoires, fort heureusement. Mais une victoire qui a été compliquée à aller chercher dans le premier des matchs. On n'avait pas un back-to-back, mais on avait une double confrontation à Washington DC. Le premier des deux matchs, c'est gagné 136 à 132 après quoi? Après prolongation. Oui, c'est ça, il a fallu une prolongation sur ce premier match. Ça a été quand même relativement compliqué et il a fallu un Jalen Brunson extraordinaire. 55 points dans cette rencontre. Il était au four et au moulin, il a tout fait, 9 passes à ajouter à ses 55 points, c'est énorme. Par contre, à 3 points, 3 sur 11, bon voilà, effectivement, le pourcentage, on pourra le discuter. On a eu un peu un Jalen Brunson game, il a voulu aller chercher cette victoire et il s'est donné les moyens pour aller la chercher. 55 points, c'est pas neutre, c'est pas rien. Et c'est parce que le score était serré, était tendu. On a encore une fois un 5 majeur qui joue beaucoup. 47 minutes après prolongation. Après prolongation. Pour Mikal, on a le plus petit temps de jeu. C'est pour qui? C'est pour notre ami Josh Hart, qui joue 39 minutes sur cette rencontre. Mais on a voilà, la paire Brunson et également Karl-Anthony Towns. Karl-Anthony Towns qui termine à 30 points et 14 rebonds. Voilà, un bon double-double-double pour aller avec les 55 points de JB. On a également 21 points de Mikal Bridges qui seconde bien. Encore une fois, on a un peu OG Anunoby qui passe un petit peu au travers de son match. 4 sur 12 au shoot, 1 sur 5 à 3 points et 9 points en 42 minutes. Bon, OG, on l'aime beaucoup, on aime son apport défensif, on aime sa présence. Il avait fait un très bon début de saison, ça rentre dans le rang clairement. On avait évoqué à un moment donné All-Star ou pas All-Star après ses 40 points. Depuis, c'est beaucoup plus irrégulier. Voilà, on a un OG qui peine à trouver un rendement régulier offensivement, défensivement. Voilà, on a quand même un joueur qui est encore présent. Le banc sur cette rencontre est vraiment... Voilà, en situation encore une fois délicate, on a 4 joueurs qui sont utilisés. On a Achua, Payne, McBride et Chamet. Hein, Chamet a son petit temps de jeu, mais Chamet, c'est 0 points en 6 minutes, donc pas vraiment une contribution effective. Par contre, c'est 3 points pour Achua, 3 points pour McBride. McBride, encore une fois, là, c'est un petit peu compliqué. McBride, il y a des allers-retours avec l'infirmerie et il peine à retrouver son rendement qui était d'une douzaine de points par soir en début de saison aussi. Là, c'est que 3 points, 1 sur 6, 1 sur 5 au shoot, 1 sur 4 à 3 points. Bon, compliqué. Et Campaign, bah 2 points, voilà, tout ou rien. C'était une fois encore rien pour Campaign sur cette rencontre. Donc voilà, une rencontre beaucoup plus compliquée que ce qu'on aurait pu prévoir. On se disait que Washington, ça devait normalement être quelque chose de facile. Il n'y avait pas de Kyle Kuzma, il n'y avait pas de Jordan Poole sur ce premier match. Mais voilà, Jonas Valanciunas qui s'est plutôt montré, Alexandre Sarr qui a des bons passages. Koulibaly compliqué sur cette rencontre. Du Kispert un peu par moment, du George par moment. Enfin bref, une équipe des Wizards qui essaye d'exister. Ils n'étaient pas loin de prendre cette victoire. Et ben non. Heureusement, 55 points de JB, ça nous sauve la donne. Mika nous a sauvés à Noël. JB nous a sauvés sur ce premier match face à Washington. Il y avait deux rencontres. Les matchs se suivent, se ressemblent pas forcément. On a changé un peu le parquet, on a changé les maillots. Il y avait le retour de Kyle Kuzma. Ça pouvait apporter quelques éléments en plus pour... essayer de rivaliser avec les Knicks, pourquoi pas? Non. Ce match-là était quand même beaucoup plus facile pour New York. Il n'y a pas eu de prolongation déjà. On n'a pas eu besoin de se remettre à 55 points de Jalen Brunson. Et on a un écart de 20 points à la fin de la rencontre. 126-106. Voilà, fort heureusement, double victoire. Mais voilà, en tout cas, pour ce match, qui s'est illustré? Eh bien, on a un Karl-Anthony Towns avec 32 points et 13 rebonds. En 32 minutes, bon petit rendement. On a un starting 5 qui joue quand même un peu moins. Là, il n'y a pas de prolongation. Mais celui qui joue le plus, c'est qui? C'est Josh Hart. 41 minutes. Oui, c'est vrai. Mais un triple-double. Le premier de ces deux triple-doubles de la rétrospective. 23 points, 15 rebonds, 10 passes. Voilà, il sait se rendre utile, le Josh Hart. Et avec des pourcentages qui sont tout à fait bons. Hein, 7 sur 15 au shoot, 4 sur 8 à 3 points. Il a été d'une bonne adresse également à 3 points dans cette rencontre. C'est finalement le joueur qui a le mieux tiré à 3 points de la rencontre. Brunson rentre dans le rang sur ce match-là. Forcément, il a donné 55 points l'avant-veille. Il a fait une journée de repos entre les deux. Mais il ne termine la rencontre qu'à 18 points et 6 passes. 32 points pour Karl-Anthony Towns. OG Anunoby qu'on retrouve un petit peu, 18 points. Et Mikal Bridges, un petit peu plus discret, 13 points sur cette rencontre. Ce qui a permis de faire jouer un petit peu le banc. Ça a permis de donner un peu de garbage time. On a un McBride à 8 points en 18 minutes. On a un Chamet à 6 points en 11 minutes. Et on a un Chua à 5 points en 19 minutes. Campaign, bah, 3 points, c'est... Voilà, c'est discret. Et puis la Garbage Time Unit, Matt Ryan, Topin, Jericho Sims, Tyler Collect qui a joué aussi un petit peu. Est-ce que c'est sur ce match? Non, c'est sur le match d'après. Sur le match d'après, il y a eu Il y a eu un Tyler Collect Game à base de je joue en G-League le matin ou l'après-midi et le soir je joue avec les grands. Mais c'était pas sur ce match-ci. Voilà pour Washington, que dire de plus? C'était des matchs que les Knicks devaient prendre. Oui, ils les ont pris. Le match de Noël a été bien abordé parce qu'il se termine par une victoire. Ça aurait pu être une défaite, mais ça se goupille bien pour les Knicks. Il est difficile aussi d'accumuler les victoires parce qu'on s'installe dans une certaine forme de routine et les Knicks, face à des adversaires supposés plus faibles, auraient pu tomber dans des matchs pièges. Ça n'a pas été le cas, heureusement, sur le premier match face à Washington. Même s'il faut compter sur une prolongation et 55 points de Brunson pour s'en sortir, voilà, ils ont tout de même sauvé les meubles. A win is a win, comme on dit régulièrement là-bas, outre-Atlantique. Faut savoir qu'à la fin de la saison, on ne comptabilisera pas de goal average ou quoi que ce soit. Donc, de toute façon, gagner d'un point ou de 30, au final, ça compte dans la colonne des victoires. Et c'est tout ce qui compte. Voilà, il fallait prendre cette victoire. Après tout ça, retour à la maison. Et oui, le Utah Jazz qui avait joué de bien mauvais tours aux Knicks dans le déplacement en terre mormone était de retour, et cette fois au Madison Square Garden. On attendait de voir quelle confrontation on allait avoir. Est-ce que les Knicks allaient se retrouver en mode revancheur? Et bien déjà, on s'est retrouvé avec un Jalen Brunson qui était out sur ce game. Bon, est-ce que c'est du load management? Est-ce qu'il y avait vraiment un petit peu un coup de moins bien? En tout cas, on a retrouvé Campaign en tant que titulaire sur cette rencontre. Alors, on l'a dit, Campaign, c'est tout ou rien. Bah, sur ce match, c'est 36 minutes tout de même. Fallait dépanner. De toute façon, c'est lui qui est dans la hiérarchie le meneur backup de Jalen Brunson. Donc, on n'allait pas voir un autre meneur à sa place. Il fait 36 minutes. Bon, les pourcentages sont pas exceptionnels. 8 points à la fin pour notre ami Campaign. Et le reste du starting 5 qui assure. On a encore un triple-double de Josh Hart. Et oui, sur 45 minutes, un temps de jeu encore conséquent, je vous l'accorde. 15 points, 14 rebonds, 12 passes pour Josh Hart. Voilà, c'est le Josh Hart qu'on aime voir, le Josh Hart qui sait tout faire. Après, le gros temps de jeu aide à produire de bonnes stats et finir en triple-double, mais deux triple-doubles consécutivement, on a un Josh Hart voilà, qui est le glue guy de cette équipe. On se pose la question de savoir si c'est pas utile de faire revenir Josh Hart dans le banc quand il y aura le retour de Mitchell Robinson. En tout cas, aujourd'hui, dans sa production sur le starting 5, il fait tout. Il fait tout. Il fait de la passe, il fait du rebond. Il peut scorer aussi dans son style qui lui est bien particulier du coast-to-coast. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'apporter de la relance. Donc, voilà, on se posera cette question prochainement quand le retour de Mitchell Robinson deviendra réellement effectif. Pour l'instant, il n'a pas repris les entraînements avec contact. Donc, on va attendre de voir vraiment le calendrier de Mitchell Robinson. Mais voilà, Josh Hart, le sortir du banc, c'est pas en tout cas à cause de ses performances. Certains soirs, il va être moins productif en attaque, certes, mais il va se montrer toujours productif au rebond et à la passe. Et les Knicks ne sont pas une super équipe au rebond, malgré pouvoir compter dans ses rangs le meilleur rebondeur de la ligue en la personne de Karl-Anthony Towns. Et sur ce match, 31 points, 21 rebonds pour Karl-Anthony Towns. C'est un des rares joueurs dans l'histoire des Knicks à pouvoir enchaîner des performances à plus de 20 rebonds par soir. Donc voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire, entre Josh Hart et Karl-Anthony Towns. Oui, ils ont une très grande présence au rebond, mais c'est beaucoup plus discret pour les autres. Hein. OG Anunoby, par exemple, qui joue en tant que poste 4, n'est qu'à 3 rebonds sur cette rencontre. C'est un faux poste 4, OG Anunoby. Il le joue en poste 4, enfin, il le fait jouer en poste 4, Tom Thibodeau, parce qu'il a un Mikal Bridges, qui est plutôt un tweener aussi, qui joue poste 2-3, mais à la base, c'est plus un ailier. OG Anunoby, c'est également plus un ailier, un poste 3-4. Donc voilà, c'est pas des 4 de métier, et il n'y a pas une présence au rebond telle qu'on peut la retrouver chez d'autres joueurs. Typiquement, Precious Achiuwa, il va nous faire 3 rebonds en 13 minutes. C'est autant de rebonds pris que notre ami OG Anunoby en 41 minutes. Donc, à relativiser. Un petit peu enrhumé, moi, vous m'excuserez également. Mais... que dirais-je de plus sur cette rencontre? 12 points pour Achiuwa en sortie de banc, c'est plutôt intéressant aussi. Et 11 minutes pour Chamette, 12 pour Tyler Collect. C'est le fameux match où Tyler Collect nous enchaîne un match en G-League, puis un match avec les Knicks. Formidable, Tyler Collect. Et un match de G-League où il avait plutôt cartonné, d'ailleurs. Hein, 36 points. Après la G-League, ça reste de la G-League, donc calmez-vous tout de suite sur les gens qui veulent voir Tyler Collect plus responsabilisé. Il a su saisir son opportunité, son temps de jeu. Bon, 2 petits points, 4 passes tout de même. C'est un meneur gestionnaire, un meneur distributeur comme il s'en fait assez rare maintenant en NBA. Mais voilà, un rebond, 4 4 passes de faute aussi pour le petit Tyler Colec. Et une victoire au final. C'est ça qu'il faut retenir. Le résultat le plus important, c'est le score. 119 à 103. Les Knicks ont réussi à tenir un petit peu leur adversaire à l'écart. Il n'y avait pas de John Collins sur cette rencontre pour Utah. Ça peut expliquer aussi le résultat. Par contre, le match qu'on attendait le plus, et on en avait parlé dans l'émission précédente, quel était ce match? C'était l'affiche, c'était l'heure de vérité, c'était le révélateur face au OKC Thunder. Oklahoma City, déplacement chez Hartenstein. Et oui, Isaiah Hartenstein a préféré prendre la proposition du Thunder, on peut le comprendre, elle était financièrement plus intéressante. Et puis un projet sportif qui est aussi intéressant, une équipe qui affiche de l'ambition, qui monte aussi dans la hiérarchie. Elle monte tellement qu'elle est numéro 1 de la conférence Ouest. Elle monte tellement qu'elle était sur 13 victoires, 12 ou 13 victoires consécutives au moment où les Knicks se sont déplacés chez eux. Ça s'annonçait être un match compliqué, difficile, en tout cas disputé. Et à mon sens, c'est un match que j'ai plutôt apprécié parce que c'est un match d'ambiance play-off. On a vu vraiment des équipes qui voulaient en découdre avec leurs armes respectives. Bien sûr, on n'a pas tout à fait le même style de jeu entre les Knicks et ce Thunder. Le Thunder qui venait d'avoir le coach du mois en la personne de Marc Desnieux, c'est Marc, enfin Monsieur Desnieux, on l'appelait Monsieur Desnieux, et également le joueur du mois en la personne de SGA, Shai Gilgeous-Alexander, qui venait se frotter, faire un match à distance avec Karl Anthony Towns, le joueur de la conférence Est pour le mois de décembre. Donc c'était une affiche qui, de toute façon, sur le papier, avait tout un tas de promesses. Est-ce que ça allait tenir ses promesses? Eh bien ça, c'est la vérité du terrain qui allait en parler. Et les Knicks se sont plutôt bien rentrés dans cette rencontre, chose qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Là, je le dis et je le répète assez régulièrement, j'ai l'impression sur cette saison que des fois les Knicks choisissent leurs matchs, les matchs où ils vont être plus attentionnés, plus focus, une meilleure préparation mentale, en tout cas, rentrer avec plus d'intensité dans la rencontre. Et là, ça s'est vu tout de suite dans ce match. Oui, c'est bien beau de gagner face aux Wizards, oui, c'est bien beau de gagner face aux Jazz qui nous avaient battus, mais le match face aux Thunder, c'était un tout autre match. Le premier de la conférence Ouest, c'est un moment que les Knicks n'avaient pas affronté une des top teams de la Ligue. Le mois de décembre, on le répète, a été relativement clément vis-à-vis du calendrier. Là, au mois de janvier, on attaque avec une équipe élite et deux équipes qui avaient la plus longue série de victoires. Donc, qui allait succomber? Eh bien, pour l'instant, en tout cas, sur la première partie du match, sur la première mi-temps, les Knicks ont plutôt mener la vie dure à ce Thunder. SGA qui était plutôt bien défendu par Mikal, avec une alternance sur OG. Et les Knicks qui ont basculé la première mi-temps en tête. Plutôt de quoi nous rassurer. Est-ce qu'ils allaient être capables de tenir le rythme de la rencontre? On le dit, c'est encore un match où les rotations sont courtes. On est dans une configuration play-off sur ce match. Ça reste de la saison régulière, certes, mais on est sur une confrontation où on veut gagner tous les matchs de toute façon. Tom Thibodeau, il veut gagner tous les matchs. Et voilà, sauf gros écart, il ne va pas ouvrir son banc tout de suite. Et son banc était relativement limité. Il n'y avait pas de Miles McBride sur cette rencontre. Ça faisait deux matchs. Je crois qu'il a... Oui, il n'a pas joué sur le match précédent face au Jazz. Et sur ce match face au Thunder, il n'était pas également présent. Dommage, il aurait pu apporter aussi un peu de relais défensif, en l'occurrence dans les pattes de SGA. Miles McBride qui est plutôt rapide, qui a une bonne mobilité latérale. Voilà, Jalen Brunson, clairement, c'est pas le vis-à-vis qu'il allait prendre. Hein. On se doutait qu'il allait avoir une défense de Mikal. Et SGA, c'est un des top scorers de la Ligue. Pourquoi pas futur MVP, hein. Il est dans la conversation, en tout cas. Et il y était la saison dernière. Donc, on sait qu'on a un joueur qui, quand il a décidé de vouloir marquer, il est en capacité d'aller chercher des points de différentes façons. Il a une très, très belle mobilité. Et c'est compliqué de défendre, de le stopper. On est plus sur freiner le rendement d'un joueur. Et en ça, avoir un peu de Miles McBride en relais, en sortie de banc, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Les Knicks, comme je le disais, s'en sortent bien sur cette première mi-temps. On espère à ce moment-là de voir une victoire des Knickerbockers chez OKC. La seconde mi-temps a été plus compliquée. Jalen Williams, ils ont aussi un Jalen là chez eux. Jalen Williams qui était plutôt discret, ou du moins pas en réussite sur la première partie de la rencontre, s'est réveillé en seconde partie. Et le troisième quart, ça a été le quart où OKC va réussir à faire la différence, réussir à remonter cet écart. pour remettre cette rencontre, eh bien, tout simplement, à une décision dans le Money Time. Et là, dans le Money Time, ça a été plus compliqué pour les Knicks qui se sont accrochés, mais qui se sont retrouvés peut-être aussi un peu à court d'énergie. On essaie, hein, on a une grosse utilisation des titulaires. Josh Hart, 44 points. Belle production offensive, 19 points sur cette rencontre. Bon, peut-être le pourcentage à 3 points, 2 sur 7, c'est un peu moyen. Mikal Bridges, on est à 24 points, certes, en 41 minutes de temps de jeu, mais 4 sur 11 à 3 points. Ojanubi, 20 points, pas mal, mais 3 sur 7, ouais, vous me direz 3 sur 7, on n'est pas loin du 50%. Ojanubi aussi, qui sur cette rencontre nous a fait peur. Ojanubi qui était plutôt en forme et d'où ses 20 points, mais qui à un moment donné retombe assez violemment d'un dunk sur lequel il y a un contact, mais c'est pas vraiment le contact qui le déséquilibre, et il retombe sur son coude, coude droit ou gauche, je ne sais plus lequel, celui en tout cas qui était qui est strappé et qui l'avait tenu éloigné des parquets la saison dernière par rapport à un enflement, oui, un hématome qui le gênait, et on l'a senti un petit peu différent, en tout cas dans sa production avant-après. Sur cette rencontre. Cette rencontre aussi qui a regardé sous un angle un peu particulier sur l'utilisation de Karl-Anthony Towns. Karl-Anthony Towns qui avait un match-up plus ou moins favorable avec un Hartenstein dans les pattes. Il n'y avait pas de Chet Holmgren sur cette rencontre, et fort heureusement, il ne pouvait pas lui opposer sa grande envergure. Mais Karl-Anthony Towns qui a une belle production, hein. Faut pas le dire, faut pas dire ce qui n'est pas le cas. 17 points, c'est pas mal. 22 rebonds, c'est énorme, encore une fois, après... Comme je le dis, l'arme qui cache la forêt. Mais 0 tir à 3 points tentés. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal, assez anormal en tout cas. Karl-Anthony Towns, il n'a pas toujours un bon rendement à 3 points, mais au moins il tente des tirs à 3 points. Et là, sur cette rencontre, il n'y en a pas un. C'est la bulle et c'est assez exceptionnel pour le noter, le signaler. Alors voilà, on pourra se poser les questions de savoir si il n'y a pas eu un Jalen Brunson Hero Game un peu forceur. 0 sur 5 à 3 points pour JB, 9 sur 23 au shoot, 22 points, et on l'a senti en tout cas en fin de match. Excusez-moi. Voilà, une petite quinte de tout qu'il a fallu calmer hors antenne. Que disais-je ? Jalen Brunson qui s'est retrouvé un petit peu dans ce mode Hero Game sur cette fin de rencontre, et on peut déplorer peut-être l'utilisation de Karl-Anthony Towns qui a été limité à vouloir parfois jouer trop à l'intérieur. Oui, c'est important d'aller chercher des points à l'intérieur, mais quand on a un des meilleurs shooters all-time en tant que grand joueur, pourquoi ne pas l'utiliser également dans ce spot? Voilà, c'est ce qui fait un petit peu, ce qui avait fait un peu poser question en ce début de saison, quand on voyait que Karl-Anthony Towns cherchait un peu ses marques, cherchait un petit peu sa place dans la rotation, ou tout au moins dans le système offensif des Knicks. Et ben là, voilà, ce 0 sur 0, au moins, il n'y a pas de tir loupé, mais il n'y a pas de tir pris. En tout cas, voilà, Karl-Anthony Towns n'a pas été mis à contribution. Et c'est ce qui peut interroger. En tout cas, voilà, c'est malheureusement une défaite pour les Knicks. Une défaite qui s'est décidée en seconde mi-temps. Dommage, les Knicks ont bien joué trois quarts-temps. Le troisième, le center recolle au score, réduit un petit peu le retard. Et en même temps, on a une équipe qui jouait à domicile, qui est en pleine confiance, et qui avait certains joueurs, en l'occurrence Jalen Williams, qui était plutôt en retrait, donc il fallait aussi s'attendre à un peu un réveil. On s'est dit à un moment, peut-être que les Knicks vont laisser passer l'orage, vont laisser passer l'averse, et vont voir un second souffle pour finalement s'imposer. Il y a eu des 3 points qui sont tombés de Wiggins, voilà, un joueur qui a pas été beaucoup en vue sur le reste de sa carrière, mais voilà, c'est le choix aussi des fois pris par la défense de Tom Thibodeau de vouloir protéger la raquette et s'exposer à 3 points. Bon, c'est dommage, il faut pas non plus tirer de conclusions hâtives sur cette rencontre. On sait que les Knicks étaient en recherche de tests pour voir à quel niveau se positionner dans cette hiérarchie NBA. Ils font partie des meilleures équipes de la Ligue quand on regarde les classements des deux conférences respectives. Mais voilà, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas joué de grosses équipes, et ce moment de vérité, ce révélateur, ce test était important. Ils en sortent avec des enseignements, sûrement, hein. Il faudra mieux gérer la longueur d'un match face à ce genre d'équipe. On était dans une configuration en mode playoff, dans l'intensité dans le jeu. En tout cas, j'ai vu et lu des critiques sur les réseaux, notamment sur la faible utilisation du banc. Mais on le répète depuis le début de la saison, le banc Et le banc, de quel banc parle-t-on? On parle de 3 à 4 joueurs en sortie de banc quand tout le monde est opérationnel. Là, il manquait du McBride. Donc, on s'est réduit à du Chamet, à du Achua et du Payne. Voilà, ce qui permet de faire souffler Karl-Anthony Towns un petit peu. Hein. 8 minutes pour Achua, c'est relativement peu, on est d'accord. Payne, 8 minutes, c'est relativement peu pour faire souffler Jalen Brunson. Est-ce qu'il n'y a pas, en fin de rencontre, un manque de lucidité, de manque de fraîcheur? C'est une question qu'on peut se poser, bien évidemment. Chamet qui vient jouer 14 minutes. Bon, est-ce qu'il a fait souffler Mikal Bridges? Mikal, il en finit avec 41. Hein, donc, il y a peu de temps de jeu du banc, mais aussi peu de production du banc. Hein. C'est 5 points cumulés pour tout ce banc et 5 rebonds avec Precious. Campaign qui a joué à OKC, qui aurait pu retrouver certains éléments de confiance et pourquoi pas apporter un peu de shoot. Bon, ça n'a pas été le cas sur ce match-là. Et donc après, il ne faut pas s'attendre à voir du Matt Ryan, du Topin, du Sims, du McBride. McBride était en TNP de par sa blessure. Du collègue venir faire la différence dans ce genre de match. Ou alors, ça serait beaucoup plus tôt dans la rencontre. Et lorsque les Knicks ont une dizaine de points d'avance, est-ce que c'est suffisant pour, entre guillemets, risquer, s'exposer avec des joueurs moins fort? Est-ce qu'un Tyler Colec peut défendre un SJA? Franchement, j'en doute. Donc voilà. Non. On est sur une configuration playoff. Avec un McBride, il y aurait peut-être eu une arme de plus. Ceci dit, il faut aussi remarquer qu'il n'y a pas du Holmgren chez le Center. Donc ça aurait été un match forcément différent avec toutes ces équipes. On aura l'occasion de se refrotter avec eux, de se retester avec eux très bientôt. D'ailleurs, ça, on va peut-être le voir pour le programme de la semaine à venir. Mais voilà, c'est un premier test. Malheureusement, pas suffisant pour l'emporter. Dommage, la série de victoires d'Enix s'arrêtait là. Après ça, parce que c'est un gros temps de jeu, un gros match, qui a laissé des traces physiquement et émotionnellement, eh bien, il y avait un back-to-back à jouer, et un back-to-back où, encore une fois, face aux Chicago Bulls. Oui, les Bulls étaient venus jouer au Madison Square Garden en sortie de back-to-back, et nous avaient battu sur une rencontre qui s'était décidée dans les ultimes instants, et on se souvient de la faute de Josh Hart sur Kobe White et sa grosse touffe qui avait donné 3 lancers francs. On se souvient du shoot qui avait fait in and out de Jalen Brunson face à Patrick Williams dans les ultimes instants. Donc les Knicks avaient eu une défaite qui leur était un petit peu restée en travers de la gorge parce qu'ils avaient tout pour gagner et ils n'avaient pas réussi à sécuriser le résultat en fin de rencontre. Là, rebelote, on se redéplace, on retrouve c'est en tenté placement dans l'Illinois à Chicago, la fameuse Derrick Rose Night. Et donc, rebelote, on rejoue ces Bulls en back-to-back. À un moment, la NBA, faites-nous un calendrier un peu différent, quoi. Mais bon, les Bulls qui sont toujours emmenés par Zach Levine, Vucevic, Cody White, Patrick Williams, hein, est-ce que ça fait partie des cadres, des joueurs cadres de l'équipe, à vous de nous le dire. Et également Lonzo Ball, on a retrouvé Lonzo Ball, j'avais pas vu de match de Lonzo Ball depuis une éternité, il joue en sortie de banc. Et également Josh Giddey qui était présent sur cette rencontre. Donc qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une défaite, vous l'avez vu, vous le savez, vous suivez les réseaux sociaux, vous suivez les résultats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce match s'est traduit par une défaite? Les Knicks ont plutôt bien commencé la rencontre. Donc ça, là-dessus, ça pouvait nous mettre aussi en confiance. Mais un match, ça se joue sur 48 minutes, quand c'est pas plus. Et on pouvait craindre, à un moment donné, d'avoir le contre-coup du back-to-back. Un back-to-back en déplacement aussi. C'est pas un back-to-back à domicile, il y a un déplacement. Et on a tendance des fois à l'oublier, à minimiser. Les joueurs terminent les matchs tard. Terminent les matchs, doivent prendre des avions, aller à l'hôtel, machin. C'est usant. Les voyages, c'est usant. Et on le sait. Alors, est-ce que en back-to-back, on peut se permettre d'ouvrir son banc, de faire jouer toute l'équipe, donner moins de minutes à ses joueurs? Bon, au final, il y aura eu moins de minutes. Hein. Le starting five, le starter qui joue le plus, c'est encore une fois notre ami Josh Hart. Pour un 16 rebonds, 10 passes, mais que 2 points. Bon, ok. Et le reste, on est sur du 30 et quelques minutes. 33 pour Jalen Brunson, qui nous sort 33 points. Hein. Jalen Brunson qui semblait plutôt en forme en début de rencontre. Ça a été plus compliqué en seconde mi-temps. Et inversement, un Karl-Anthony Towns qui était plutôt discret en début de match et qui a terminé le match en boulet de canon. 44 points, 16 rebonds et une ligne statistique énorme. Un petit moment d'inquiétude quand il commence à se tenir le genou aussi en fin de rencontre. Et un Karl-Anthony Towns qui a été chercher à recoller au score parce que tout simplement les Chicago Bulls ont fait un break phénoménal dans le troisième quart. Les Knicks ont eu une panne offensive comme il en arrive malheureusement assez régulièrement. Il y a des moments où les Knicks ne scorent plus. Alors des fois ça dure 3-4 minutes, bon ok. Quand tu te prends des paniers en face, bah, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Les Knicks étaient plutôt en avance au score à la mi-temps, donc ça permettait de laisser voir venir en cas de coup de moins bien. Mais ils n'ont pas su réussir à faire la différence. Et en troisième quart, c'est plutôt les starters, les titulaires qui commencent cette période-là. Ça a été compliqué jusqu'à ce qu'au final, en quatrième, en fin de troisième quart et en début de quatrième, bah, Tom Thibodeau fasse plus jouer Cam Payne, fasse plus jouer Landry Shamet. Donc on a 14 minutes de Payne, 17 de Shamet et 27 de Achiuwa. Tout ça avec notre ami Karl Anthony Towns qui, lui, a réussi à trouver une autre alchimie, un autre jeu offensif. Il se rapproche du panier pour dominer dans la raquette, et ça a payé, et ça a permis de grignoter le résultat, le retard, et de revenir petit à petit sur les plates-bandes des Bulls. Il y a eu une occasion pour revenir à 5 points de retard, et puis derrière un dernier run des Bulls, et une adresse phénoménale à 3 points des Bulls, là où les Knicks étaient en difficulté totale derrière l'arc. Seul Karl Anthony Towns termine, on va dire dignement, avec un 3 sur 7 à 3 points, comme quoi quand on utilise ses capacités de shooter, ça peut être aussi utile. Jalen Brunson 1 sur 4, Josh Hart 0 sur 3, Mikal 0 sur 5 derrière l'arc, et OG 2 sur 6, mais que 12 points pour OG Anunoby sur cette rencontre. Donc voilà, une deuxième défaite, c'est assez rare pour arriver en ce début de saison NBA d'Enix. Une deuxième défaite, et encore une deuxième défaite face aux Bulls. Donc voilà, donc là c'était le back-to-back de la lose. Et clairement, on a senti qu'il manquait de réservoir, qu'il manquait d'essence dans le réservoir pour pouvoir sécuriser le résultat. Les Knicks commencent bien la rencontre. C'est des fois aussi le paradoxe des back-to-back. Les joueurs ont peut-être un certain niveau de forme en début de rencontre, une certaine confiance, une certaine alchimie, un rythme qui est présent là où les Bulls n'avaient pas joué. Bon, ok. Mais par contre, ça se paye en fin de rencontre. Et le banc n'étant pas non plus doté de beaucoup d'armes. Hein. Encore une fois, un match où il n'y a pas Miles McBride, sa présence ou son absence pèse malheureusement. Et peut-être que même si des fois l'apport offensif de Miles McBride n'est pas élevé, son apport défensif est là. Et c'est de l'énergie qui est donnée par un joueur du banc qui n'est pas donnée par un titulaire lorsqu'il peut défendre sur les extérieurs. Et là, sur ce match, les extérieurs nous ont fait aussi la misère. Zach LaVine, on connaît ses capacités à slasher, à tirer à 3 points, à se détacher des défenses, et il l'a bien montré. Kobe White, ouais, j'ai toujours du mal avec Kobe White, ce Kobe-là en tout cas. Kobe White a su mettre des 3 points importants quand il fallait. Vucevic a eu son apport dans un registre plutôt proche du panier, mais voilà, les Bulls qui sont dans une galère encore une fois pas possible sur cette saison, on ne sait pas trop où va ce projet. Il y a tout un tas de rumeurs de transferts concernant leurs joueurs majeurs, on va dire. Mais voilà, les Bulls nous ont battus 2 fois. On a peut-être battu 3 fois le Magic, mais on a perdu 2 fois face aux Bulls. Bon. On verra à la fin de la saison si tout ça compte. En tout cas, ça n'empêche pas les Knicks d'aujourd'hui occuper une 3ème place de la conférence Est. Heureusement que le Thunder a battu Boston. Les Knicks revenaient un petit peu sur les traces des Boston Celtics. Donc voilà, il n'y a que 2 matchs d'écart dans le classement. On va le voir tout à l'heure. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que sur le papier, les Bulls, on doit le gagner. Sur le papier, perdre à OKC face à une équipe qui enchaîne 13 victoires consécutives, qui n'a que perdu dans la Cup à Vegas face aux Bucks, et encore, tout ça ne compte pas pour le classement de la régulière, parce que c'est le fameux 83e match des finalistes de la Cup. Bah voilà, ça peut se comprendre de perdre à OKC dans un match serré disputé. Là, en back-to-back, on peut comprendre cette défaite. On peut mettre ça sur le dos du back-to-back, sur le dos de la fatigue, sur le fait qu'on ne peut pas inventer des joueurs, que ce n'est pas forcément non plus les joueurs qui ont des minutes en G-League qui vont faire la différence dans cette rencontre. Voilà, on attend un retour de Mitchell Robinson, certes, mais lui ne va pas apporter dans le secteur défensif, pas dans le secteur offensif de la même façon. Et puis ça reballottera les cartes au niveau de la distribution des minutes à l'intérieur. Miles McBride, bah oui, peut-être que sur ce genre de match, on a besoin de lui. On a besoin d'un peu de souffle en sortie de banc et pourquoi pas d'apport de points de sa part. Là, sur ce match face aux Bulls, hein, on a 8 points de Payne, c'est bien. C'est pas trop mal, c'est le pain, c'est le bon pain en fait. Le pain qui joue et qui nous apporte 6 à 12 points, c'est le bon campaign. Quoi. On a Chabet qui a 4 points, voilà, et 5 de Hachua, mais voilà, c'est... Bon, voilà. Oublions cette défaite, c'est toujours compliqué d'enchaîner après des défaites. On va tout de même revenir sur cette rétrospective par, vous le savez, bah, la rubrique qu'on a habituellement, qui est tout simplement la rubrique... du Nick of the Week. Alors, c'est of the Weeks. Qui peut-on mettre en joueur de cette semaine, de cette reprise, en tout cas, ou de cette fin d'année 2024, début d'année 2025? Ah, les matchs de janvier sont pas bons pour l'instant. Eh bien, on a une belle performance annuelle de Mikal Bridges, 41 points, c'est à souligner. On a encore une fois une belle performance de Karl Anthony Towns, mais dans une défaite face à Chicago, avec ses déjà 44 points, 16 rebonds. On a aussi une soirée où il nous a sorti du 30 points et 20 rebonds. Donc, on a toujours une belle présence. On a son 1 million de votes. On a OG Anunoby, non, on n'a pas OG Anunoby, on a Jalen Brunson qui se fait 55 points dans un match en prolongation face aux Washington Wizards. Bon, face aux Wizards, mais 55 points quand même, faut les mettre. Et on a un Josh Hart qui nous sort deux triple-doubles sur cette période. Alors bon, là, on s'est un petit peu concerté avec Seb, qui malheureusement n'est pas avec nous, mais son avatar, oui. Peut-être qu'un jour, une IA nous permettra de discuter avec Seb sur son lit de malade. Mais non, on a décidé de rendre hommage à Josh Hart. Et oui, peut-être un petit peu à la surprise, vous nous auriez peut-être voté pour Mikal, pour Noël, ou pour Karl Anthony Towns, ou pour Jalen Brunson et 55 points. Mais un Jalen Brunson qui parfois est un petit peu en mode hero ball, et un peu croqueur, et n'arrive pas à faire la décision sur certains matchs. Ça a été le cas un petit peu face à OKC, on lui en veut pas, on l'aime notre JB, et on espère qu'il retrouvera son efficacité, surtout dans les derniers moments en playoff, parce que c'est là que ça va compter le plus. Malheureusement, c'était un peu un test, hein, et test loupé. Mais non, Josh Hart, son acolyte, qui est peut-être pas celui qui brille le plus. Certains ont dit un jour, une fois sur Twitter, non mais Josh Hart, il sert à R, il sert à rien. Hop, hop, hop. Ça nous avait fait bondir, on n'a pas compris ce genre de quote, mais non, Josh Hart, il est l'âme un peu de cette équipe, il est capable de jouer dans tous les secteurs du jeu. Alors oui, c'est pas le plus gros shooter à 3 points, souvent il est un petit peu délaissé, il est un peu non respecté par les défenses adverses, et c'est pour ça qu'il a ses opportunités à 3 points, mais il sait apporter de l'énergie, c'est toujours un gros temps de jeu aussi, Josh Hart. C'est peut-être pas le plus gros temps de jeu, parce qu'on a Mikal Bridges qui joue beaucoup, Josh Hart est un peu des fois laissé au repos. Mettez des guillemets derrière tout ce que je raconte, hein, vis-à-vis de la gestion des minutes de Josh Hart. Mais en tout cas, on a un joueur qui sait produire sur les minutes sur lesquelles il passe pour lesquelles il passe sur le terrain. Et ça, c'est important. Et il produit dans différents secteurs du jeu. La défense comme l'attaque, le rebond comme la passe. C'est un excellent passeur. Il investit aussi ses coéquipiers. Autant on a un Jalen Brunson qui investit beaucoup ses coéquipiers. Il a raison parce qu'il a une variété offensive à ses côtés. Et donc, il est en capacité de faire des passes, mais Josh Hart, c'est également le cas. Et donc, c'est plutôt plaisant. Et Josh Hart, s'il est le lieutenant de Jalen Brunson à la passe, hein, on pourrait dire que c'est un co-capitaine, un co-meneur, eh bien, également, il est aussi le lieutenant de Karl Anthony Towns au rebond. Donc, voilà, le lieutenant des lieutenants a pour nous toutes nos louanges en ce début d'année et avec cette quinzaine de Noël où il nous sort quand même deux triple-doubles. Josh Hart, il n'avait pas fait de triple-double avant d'arriver au Knicks. Aujourd'hui, il a plus de triple-double que Julius Randle. Alors bon, c'est pas le même type de joueur, c'est pas la même sollicitation, c'est pas les mêmes systèmes qui sont dessinés pour Josh Hart. D'ailleurs, il n'y a pas de système dessiné pour Josh Hart. Il prend les miettes et il les met à bonne contribution pour nous apporter tout un tas de stats en double digit, que ce soit au rebond, à la passe et au point aussi. Et donc deux triple double, bah pour nous, voilà, c'était les raisons de le récompenser sur cette quinzaine. Je sais pas si on lui avait déjà donné le titre de Nick of the Week sur ce début de saison 2024-25, mais en tout cas, voilà, à Noël, c'est Josh Hart qu'on récompense. Les grands noms que sont Karl Anthony Towns, que sont Jalen Brunson et que sont Mikal Bridges, parce qu'il faut saluer aussi le bon mois de décembre de Mikal Bridges, et un joueur qui se sent de plus en plus à l'aise offensivement et qui retrouve un peu plus des airs de Mikal Bridges qu'on voulait voir. Eh bien, voilà, tous ceux-là auront leur tour indéniablement. Ça va venir dans les semaines à venir. Mais voilà, Josh Hart, pour nous, c'est notre Nick of the Week sur la quinzaine de Noël. Voilà, c'était la longue rétrospective que je vous ai faite sur ces 8 matchs, 6-2, finalement un bon bilan. Je crois que c'est ce que j'avais pronostiqué. Pas exactement les défaites que je voyais. Ok, si je pensais que ça allait être compliqué, ça a été compliqué, disputé et malheureusement une défaite. Il n'y a pas à rougir de cette défaite. Oui, les Knicks auraient peut-être pu le gagner, mais voilà, faut savoir aussi reconnaître quand l'adversaire est plus fort et le Thunder a mieux joué que nous sur cette rencontre. Je pensais à un faux pas côté match de Noël, hein, toujours un match particulier. Heureusement, Mikal était là et c'est une victoire. Et je pensais pas au faux pas face aux Bulls. Mais voilà, le back-to-back et l'énergie dépensée a eu raison des Knicks. 6-2, finalement, c'est quand même un bon bilan. Faut pas voir le verre toujours sur le côté à moitié vide. Il est plutôt bien rempli, ce verre. C'est des victoires qu'il fallait prendre face aux Wizards. C'était compliqué, mais elles ont été prises. Face aux Magic, c'était compliqué, mais fallait les prendre. Et ça permet de mettre un adversaire direct derrière nous. Donc voilà, soyons aussi... raisonner dans nos attentes face aux Knicks. Oui, on a de grands espoirs sur eux. Oui, on espère qu'ils iront le plus loin possible au mois avril, mai, juin. Avril, mai en tout cas. Mais voilà, il faut aussi savoir parfois lâcher quelques matchs dans la saison qui est longue, qui est longue, qui est longue. Une saison longue et des matchs qui arrivent. On regarde tout de suite le programme de cette semaine de reprise. Allez, c'est parti. Oh oh oh, mais avant de parler du match, des matchs de cette semaine, je vous l'avais dit, il faut quand même qu'on termine cette rétrospective avec l'annonce du vainqueur de notre jeu de Noël. Et oui, vous deviez pronostiquer le résultat de la rencontre, victoire des Knicks, défaite des Knicks et le score, du moins l'écart à l'issue de ces 48 minutes de jeu. Les Knicks se sont imposés de 3 points, mais ouais, pas facile. Peu ont pronostiqué une victoire courte des Knicks. Vous pensiez une victoire assez large des Knicks à la maison. Peut-être qu'on sous-estimait les Spurs, ou pas. En tout cas, il y avait ce beau petit lot qui est quoi ? Il est encore sous blister parce qu'il va vous arriver neuf, bien sûr. Et on remercie d'ailleurs, je ne l'avais pas remercié à l'oral et je m'en excuse, je l'avais remercié dans les commentaires, mais on remercie, non pas Spriwell, non pas le numéro 8, mais on remercie Baptiste qui nous a permis justement de pouvoir récompenser et faire plaisir à nos adhérents et nos fidèles téléspectateurs, followers, viewers, bref, la communauté, les Knicks fans. Et donc, nous avions ce numéro collector Slam Kiss, voilà, qui date de quelle saison d'ailleurs ? Que je regarde ça, est-ce qu'il y a une année dessus ? On est sur du collector, c'est celui d'il y a deux saisons. En tout cas, c'est un numéro 100% Knicks, il y a une centaine de pages là-dedans, 120 pages. Avec notre beau Jalen Brunson, certain, c'est certain. Mais aussi, notre Derrick Rose, il portait le numéro 4 à l'époque. Bref, vous attendez de savoir qui a gagné. Victoire courte, petit pronostic. Eh bien, c'est ni plus ni moins que Benjamin Benji. Benjamin Fèvre, je sais pas, tu m'en voudras pas si j'écorche ton nom, mais en tout cas, Benjamin Ben, c'est toi notre grand vainqueur pour notre jeu de Noël. Donc, je t'invite à prendre contact avec nous pour nous donner ton adresse et je t'enverrai ce beau numéro collector ainsi que la petite serviette que j'ai moi-même également dans mon petit setup, vous le savez. Kiss, kiss, kiss, ça permettra d'agiter les serviettes aux couleurs des Knicks et aux couleurs de Kiss. En tout cas, lorsque tu regarderas les matchs des Knicks en notre compagnie, en viewing party, en notre compagnie sur le League Pass, en notre compagnie sur les réseaux sociaux, bref. En tout cas, bravo à toi, félicitations à toi, tu as trouvé, tu as pronostiqué au plus juste, tu avais annoncé une victoire de 2 points, c'est une victoire de 3 points. Eh bien, bravo à toi, cette année, c'est toi notre grand vainqueur, Benjamin Fèvre. Sur ce jeu concours KNFTV, donc je te ferai parvenir ça très rapidement dès que j'aurai ton adresse pour te récompenser de ce gain. T'es le grand gagnant, il y aura d'autres concours, on fera gagner sûrement d'autres choses dans cette saison sur KNFTV, comptez sur nous. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir jouer avec vous, de partager cette magie de Noël et un peu d'interactivité autour de ces matchs de NBA des Knicks. Allez, ça, c'était pour avant. le bilan des Knicks, mais oui, on peut regarder un petit peu le classement de cette conférence Est. Ça ne bouge pas vraiment sur la tête de la conférence Est, toujours les Cleveland Cavaliers. Hey, Derrick Rose a joué là-bas aussi, rappelez-vous un peu. 31-4, ils ont un bilan qui est quand même relativement phénoménal. Kenny Atkinson, bien entendu, coach du mois de l'Est, hein, forcément. 12-1, une seule défaite. Tom Thibodeau était pas loin, 12-2, une défaite de trop, mais bon. De toute façon, les Cavs caracolent en tête de cette conférence, à voir combien de temps ça va durer et si quelqu'un pourra les déloger de cette place. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas les Boston Celtics qui ont perdu hein, contre les Cavs et qui affichent un bilan de 26-10. Il y a eu quelques défaites hein, par là. Il y a eu également une défaite face aux Thunder. Et les Knicks n'étaient pas très loin de recoller, hein, malheureusement. Cette double défaite face aux Thunder et face aux Bulls derrière fait que les Knicks sont à 24-12 à l'heure où on parle, on enregistre. Ce qui permet d'avoir une petite marge d'avance sur les Orlando Magic. 17-16, c'est le bilan également des Bucks et du Heat. Le Heat qui est dans une histoire un petit peu galère avec un certain Jimmy Butler. Tiens donc, comme par hasard. Bref, les Hawks qu'on retrouvera très bientôt. Oui. Hein, les Piu-Piu, on les retrouvera très bientôt au Madison Square Garden. Qui s'affiche avec un bilan équilibré à 50% de victoire 18-18. Et également les Pacers. Voilà, il y a un peloton qui peut redescendre, aller jusqu'à la 11e place avec les Sixers. Même s'ils sont à 14-19, ils ont quand même pris beaucoup de retard en ce début de saison. Mais entre eux, le Magic à 21-16 et les Sixers, bon, hein, il va y avoir encore pas mal de places qui vont bouger dans les semaines et mois à venir. En tout cas, on espère que les Knicks vont consolider cette troisième place, que pourquoi pas vont essayer de partir à la lutte avec la seconde. Pour la première, ça risque d'être compliqué. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a au programme? On a 4 matchs au Madison Square Garden. Il va falloir profiter aussi du public, de l'avantage du terrain. Normalement, ça doit jouer. En tout cas, on l'a vu à OKC, ça a joué. Hein. Le public du Thunder qui est assez bruyant, assez à fond derrière son équipe. Hein. Ils n'ont pas non plus énormément de franchises sportives à Oklahoma. Bref, a su apporter un soutien. Est-ce que le Madison Square Garden et le public du Garden pourra apporter un soutien des Knicks cette semaine? Bah, il va falloir en profiter parce qu'il y a 4 matchs à domicile. Il y aura, bien entendu, le premier match de cette semaine et qui a lieu pas plus tard que ce soir. Il a lieu à quelle heure? Je ne sais plus. Bref, vous avez tout ça. Si, ça s'affiche, il a lieu à 1h30. Dans le bandeau hein, en bas, vous savez maintenant, vous connaissez à Venice Week. C'est pas la première émission quand même. Bref, réception du Magic. Ça serait bien de faire un 4-0 face au Magic. Le retour de Banquero, c'est pas pour tout de suite. Alors, j'ai pas les petites notes qu'a Seb d'habitude et qui nous fait un petit peu la revue des forces en présence et les bilans de ces dernières équipes que les Knicks vont affronter. Mais en tout cas, ça va être la quatrième confrontation des Knicks. Les Knicks, pour l'instant, l'ont emporté 3 fois de suite. Est-ce que ça sera un 4-0? Ça serait bien psychologiquement d'avoir un 4-0, même si, arrivé au printemps avec le retour des blessés que sont Franz Wagner, peut-être Mo Wagner, je ne sais pas si sa blessure est un out pour la saison ou s'il a des chances de revenir au printemps, mais surtout Paolo Banchero, à voir ce que ça va donner. D'ici là, si les Knicks peuvent empocher une victoire de plus et distancer un peu plus cet adversaire direct dans la conférence Est, ça pourrait être intéressant et ça serait plutôt une bonne idée que de prendre cette victoire. Ensuite, une nouvelle fois, une réception des Raptors de Toronto au Madison Square Garden. Cette fois-ci, on devrait retrouver Emmanuel Quickley qui a repris la compétition et qui s'est réillustré il y a très peu. Déjà, vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, eh ben oui, on va rejouer le Thunder. Cette fois-ci, c'est Isaiah Hartenstein qui va revenir à New York, au Madison Square Garden. Est-ce qu'il aura une vidéo hommage? Il n'est pas un joueur qui a laissé indifférent le public et les fans, on s'en doute. Mais est-ce que les Knicks vont tout de même lui faire une petite vidéo hommage? C'est pas un trade. Cette fois-ci, c'est bien Isaiah Hartenstein qui a décidé d'aller voler ailleurs pour voir si le billet vert était plus vert ailleurs. Et c'est le cas. Est-ce qu'ils vont lui faire une vidéo d'hommage? Oui, on peut s'attendre à un petit truc en tout cas. Voilà, il y aura une fois de plus quelques trash talking, quelques doux mots lâchés entre Josh Hart et Hartenstein. Ça avait été le cas pour le premier match. Bon, c'est de bonne guerre. Et bien sûr, ils ne sont pas en froid. Ils s'adorent ces deux. C'est de l'amour vache, comme on dit. Voilà, donc ça sera le match encore très attendu. Encore une fois, sur un match de vendredi soir, le Friday Night Knicks. Jusqu'à présent, les Knicks étaient plutôt avec un bilan positif sur ces matchs du vendredi. Malheureusement, la semaine dernière, ça a été de la défaite. Donc, est-ce que les Knicks vont réussir à équilibrer ce bilan dans cette confrontation dans les équipes de l'Est ? De l'Ouest, pardon. C'est la seule équipe de l'Ouest au programme cette semaine, puisque derrière, dimanche, on aura pour la KNF Viewing Party, un match donc à 21h au Madison Square Garden encore, la réception des Milwaukee Bucks. Milwaukee, est-ce que c'est un match test ? Bah, peut-être un petit peu. Milwaukee, en tout cas, essaye de remonter au classement de cette conférence. On l'a vu tout à l'heure, hein, ils sont pas si loin que ça, en tout cas, de la troisième place. Hein. Ils sont aujourd'hui cinquième avec un bilan avec autant de défaites en tout cas que le Magic, mais avec moins de matchs disputés. Donc c'est aussi là-dessus les matchs en retard qui pourraient faire la différence. Mais méfiance hein, sur les Milwaukee Bucks. Et puis ça va être une affiche aussi qu'on va avoir tendance à regarder vis-à-vis des fameux votes pour le All-Star Game. Damian Lillard, vous savez, le Dame Time au Madison Square Garden. Est-ce que ça peut jouer dans l'esprit des gens sur les votes All-Star ? Si Damian Lillard nous fait une grosse perf et qu'au contraire, Jalen Brunson passe à côté de ce match, attention. Donc ça sera un match dans la nuit de... Enfin, dans la nuit. Dimanche soir, il y aura eu un petit peu de repos. C'est pas du back-to-back. Il n'y a pas de back-to-back cette semaine et tant mieux. Comme ça, on va peut-être pouvoir un peu souffler. Attention aussi au genou de Karl-Anthony Towns. On en a parlé un petit peu. Il s'est blessé lors du match face aux Chicago Bulls. Il sort de la rencontre en fin de match et va directement au vestiaire. De toute façon, le match était malheureusement plié. Un match, je suis pas revenu hein, sur les 139 points encaissés. C'est beaucoup trop. Là-dessus, on est d'accord qu'il va falloir intensifier la défense. Est-ce que Miles McBride va revenir ? On espère, ça peut aider à défendre mieux les lignes extérieures et on va en avoir besoin et on en aura entre autres besoin pour mieux défendre face aux Thunders, face aux Bucks. Ça pourrait être intéressant d'avoir un McBride un petit peu sur Lillard parce que oui, Mikal Bridges va défendre dessus, mais si on peut avoir un peu de relais en sortie de banc, un joueur petit qui peut jouer sur les lignes arrières, ça peut être intéressant. Donc ça va être encore une fois des choses qu'on va regarder. Mais on a 4 beaux matchs. Alors je vais me poser moi-même la question de quel est le match que j'attends le plus sur cette semaine. Oui, la Viewing Party face aux Bucks, bien sûr. Mais j'ai un peu envie de voir si les Knicks sont en capacité d'aller chercher une revanche face aux Thunders. Ils n'étaient pas si loin. Le match était disputé, accroché. Est-ce que le Thunders va perdre d'ici là ? J'ai pas leur calendrier. On verra s'ils commettent un faux pas les matchs de cette semaine. Ils n'ont pas commis de faux pas face à Boston. Donc ils ont encore une fois plus passé un message à la Ligue. Hein. Ils sont pas là pour blaguer, pour rigoler. Ils sont avec une défaite de plus que Cleveland. Donc aujourd'hui, c'est pas eux les leaders de la Ligue. Mais en tant que conférence Ouest, oui, ils s'affichent comme des leaders sérieux et pour l'instant, qui commettent pas de faux pas et qui ne ralentissent pas. Donc à voir si les Knicks vont pouvoir livrer le même type de match qu'on a pu avoir face aux Thunders à OKC. Est-ce que cette fois-ci, le public permettra de faire une différence, d'avoir un supplément d'âme ? Je l'espère en tout cas. Sur le début de semaine, normalement, on devrait avoir des matchs un peu plus faciles. Mais bon, il n'y a pas de match facile dans la NBA en 2024, 2025 encore moins. Je vais me lancer sur mon petit jeu des pronos. En même temps, j'avais 6-2, j'avais le bon prono sur l'épisode précédent et pour la quinzaine. 4 matchs à domicile, il va falloir rebondir parce qu'on est sur un back-to-back de la lose. Les Knicks sont enchaînés par 2 défaites. Voilà, il va y avoir un peu de repos. Est-ce que Karl-Anthony Towns va être ménagé ? Peut-être même dès ce soir. Mais sans un Karl-Anthony Towns qui serait catapulté comme pivot, est-ce que c'est Precious Achiuwa ? Il peut rendre des services, c'est pas un pivot aussi dominant que peut l'être Karl-Anthony Towns. Il n'a clairement pas les mêmes outils en magasin pour rivaliser. Mais même sans Karl-Anthony Towns et avec un Magic qui est toujours diminué, normalement les Knicks devraient pouvoir se défaire de ce Magic. Est-ce que ça sera un Mikal Bridges game ? Pourquoi pas, après tout, il se montre plutôt... en attaque mode en ce moment, c'est ça que j'ai envie de dire. On le voit plus entreprenant, plus à la percussion, plus à la pénétration, là où il se réfugiait derrière un shoot à 3 points un peu trop souvent à mon goût, ou son mid-range, mais qu'il maîtrise en même temps. Tirer à 2 points, c'est pas un gros mot en NBA. Hein. Si tu maîtrises ton mid-range, vas-y, hein. Use et abuse de ton shoot à mi-distance. Moi, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il se montrait un peu plus au lay-up, un peu plus au drive. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, va pas te baisser, Mikal. Hein, mais en tout cas, ouais, pourquoi pas prendre le relais d'un Carl Anthony Towns qui serait soit diminué, soit aménagé. Il va falloir faire attention à ce genou. Carl Anthony Towns est le meilleur joueur des Knicks en ce début de saison. Ça, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que vous serez plutôt d'accord avec moi. Et le 1 million de votes au All-Star pour l'instant va dans ce sens. C'est un des joueurs majeurs de cette ligue, de cette conférence Est. C'est un joueur qui produit de belles stats. Oui, sa défense peut être discutable par moment, mais c'est pour le moment le meilleur joueur des Knicks. Jalen Brunson n'est pas très loin, voire par soir, les deux font la paire. Mais voilà. Donc, du coup, moi je m'attends à plus voir Mikal Bridges dans un rôle de production offensif, parce qu'il va y avoir encore un Jalen Suggs qui va vouloir venir jouer le shield guard sur Jalen Brunson et vouloir un petit peu couper la tête du serpent. On a vu pas mal de prises à deux ces derniers temps sur Jalen Brunson pour un petit peu lui faire perdre des ballons, pour un peu lui donner rendre la vie un peu plus dure. Donc voilà, Josh Hart en triple-double, et pourquoi pas, si Carl Anthony Towns n'est pas présent ou moins présent, il y aura des rebonds à prendre, et Josh Hart pourrait être alors le grand vainqueur de cette absence. Donc voilà, victoire des Knicks face au Magic, mais je préférais peut-être voir un Carl Anthony Towns qui se repose pour souffler pour un d'autres rendez-vous plus importants en fin de semaine. Face aux Raptors, les Raptors, ça a toujours été compliqué sur les deux premiers matchs, mais les Knicks s'en sont sortis avec des victoires. Ouais, il faut continuer, il faut aussi emmagasiner des victoires face à ces équipes réputées plus faibles de la Ligue. C'est toujours des matchs particuliers parce que, on sait, voilà, avec OG, avec Achua, avec RG, avec IQ, il y a un petit peu je t'aime, mais quand même, pourquoi tu m'as trade, quoi. Donc à voir si RJ Barrett sera plus fort qu'il ne l'a été sur le premier match. Il fait plutôt de bonnes stats à l'extérieur, enfin à domicile et moins à l'extérieur. Donc voilà, est-ce qu'il va retrouver un petit peu plus d'adresse, de réussite, à voir. En tout cas, son premier match avait été un peu moins bon au Garden, cette saison, je parle, avec un IQ pour l'épauler. Attention, parce que IQ va vouloir faire un IQ game. On va voir. Ça va être un match un peu plus accroché que le match précédent qui s'était terminé par un blowout, mais je vois encore une fois une victoire des Knicks. Donc pour l'instant, j'en suis à 2-0. Est-ce que les Knicks vont réussir à prendre leur revanche? C'est le match que j'attends le plus. Mais je pense que OKC est trop en confiance. J'aimerais me tromper, mais je pense que ça sera une défaite face aux Thunders. 2-1. Et pour finir, face aux Bucks, là, ça sera une sorte de match test face à une équipe qui revient en forme dans la conférence Est. Giannis Antetokounmpo, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué à défendre, plutôt à freiner. Il va être à un moment donné un peu être en bugnabugne, en opposition face à un Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, on le sait, et j'espère qu'il sera là en fin de semaine en tout cas, du moins pour cette double confrontation, ces deux matchs que sont le Thunder et les Bucks. C'est les deux matchs les plus importants de la semaine. S'il faut le reposer, le ménager, reposons-le et ménageons-le sur les deux premiers matchs. Mais à voir ce que décide Tom Thibodeau, à voir quel est l'état de forme du joueur. Mais ça serait dommage d'avoir des problèmes au genou à ce début de saison et surtout de louper cette potentielle qualification, sélection au All-Star Game en tant que titulaire. Il n'y a pas eu beaucoup de Knicks titulaires au All-Star Game, donc Carl Anthony Towns mériterait en tout cas ses honneurs et cette distinction-là. Bref, que disais-je ? Oui, Carl Anthony Towns, il risque d'être mis à contribution, être sollicité face aux Thunder et face aux Bucks, et puis Carl Anthony Towns, il a tendance à prendre des fautes assez rapidement face à un Giannis qui a tendance à rentrer dans la raquette parce que c'est un peu en mode droit au panier, comme on le sait. Ça peut faire la différence, mais en même temps, ça peut aussi être un joueur qui Carl Anthony Towns, qui gêne par moment Giannis vis-à-vis de son accès à la raquette. Bon, en tant que rim protecteur, on a vu mieux. Bon, on se doute que OG Anunoby sera en défense sur Giannis, mais voilà, ça sera un test, ça sera un autre test à voir. d'une équipe future rivale en playoff. Pourquoi pas? Ça pourrait être une équipe qui se retrouve sur le chemin des Knicks en playoff au printemps prochain. Autant le Magic, on n'espère pas, parce que voilà, mais pourquoi pas. Les Raptors, on n'y croit pas. Mais voilà, en tout cas, les Bucks, ça peut être un futur adversaire, donc ça va être intéressant de se tester. Je suis pas sûr qu'il y ait de confrontation, j'ai un doute. Savoir si les Knicks ont joué les Bucks cette saison. Mais là, en tout cas, avec une équipe qui a retrouvé un niveau de forme un peu plus important de la part de Milwaukee et qui a pu retrouver de la confiance avec sa victoire en Cup, il faudra s'en méfier, même si c'est plus non plus les Bucks aussi fringants qu'il y a quelques saisons. Donc voilà, pour moi, en KNF Viewing Party, j'ai envie de croire à une victoire. Et cette semaine, j'annonce plutôt un 3-1. Ça serait mon pronostic. Seb, voisin du sous, je sais pas ce que tu vas me dire comme pronostic. Tu seras sûrement plus réservé que moi. Tu verras peut-être un 2-2. Et encore, peut-être un bilan négatif. Je sais pas. Tu me diras, Seb, hein, puisque t'es pas avec moi, tu me diras en commentaire quand tu verras cette vidéo quel est ton pronostic. Voilà en tout cas pour nous, pour cette émission. On n'oublie pas le rendez-vous du mardi. Et oui, on est de retour le lundi pour, sur KNF TV. Le mardi, on est de retour sur X, sur Twitter, les Space, animés avec notre ami Chapi. Il y aura beaucoup de choses à dire. Oh oui. Il y aura beaucoup de choses à dire. On va parler du banc, on va parler de cette défaite face à OKC, de se projeter un petit peu. Il y aura beaucoup de choses à se raconter. Donc, on vous donne rendez-vous pas plus tard que demain, entre 19h et 20h, vous le savez. Ça déborde un peu. On joue au quiz, on fait des jeux à la fin, c'est plutôt sympa. Et ça se joue souvent dans l'overtime. Donc, soyez de rendez-vous, demain sur Twitter avec l'ami Chapi. Et puis, bah voilà, on n'oublie pas la KNF Viewing Party. Hein, vous avez le flyer de l'autre côté, hop, qui s'affiche dimanche au Hideout Café. Voilà. Une petite toussée. Et je n'oublie pas de vous finir cette émission, voisin du dessous, hein, je pense à toi, rétablis-toi bien, par tous nos meilleurs voeux au nom de la KNF, la Knicks Nation France. C'est une association et on a hâte de vous retrouver sur des événements. On va vous retrouver sur des événements très très vite. Oui, il y a cette KNF Viewing Party et puis il y a les voyages associatifs qui arrivent d'ici deux semaines. Et ouais, déjà. Donc, ça va faire plaisir de vous retrouver en tout cas et de vivre de bons moments avec vous et avec les Knicks. Et j'espère que les Knicks ne nous gâcheront pas la fête pour tous ces événements. Mais en tout cas, on a confiance dans cette équipe. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura peut-être des blessures pour l'instant en dehors de Mitchell Robinson. Faut qu'on touche du bois. On n'a pas eu trop de blessures. On pourrait rentrer dans le dur avec cette période hivernale. Espérons qu'il n'y ait pas de casse et que les résultats continuent d'être plutôt positifs. On a eu un bon mois de janvier l'année dernière, en 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de janvier 2025 avec les Knicks. Et puis une bonne année, tout simplement. Allez, ça va être tout pour moi. J'ai beaucoup parlé, même en solo. Mode solo, peut-être. Bonne semaine à toutes et à toutes. Let's go Knicks et rendez-vous lundi prochain avec Seb, j'espère. Allez, ciao, ciao.